Naturel, voilà. Yeah, ok. J'ai mis le casque intégral. Okay. Tiens-toi, tu vas frissonner. Okay. En I sur le littoral. Si ça porte l'œil, on va cartonner. Okay. Tant pis s'il y a des commères. Nous on fusionne, ça va cartonner. Les cheveux noirs avec les yeux verts. Et te pigeonne quand tu caches ton nez. Okay. La tige, je vais arrêter pour maman. Le rap, le bis, je vais arrêter comme Zidane. C'est ta bêtise, on va éviter les dramas. Y'a de la traîtrise, mais bon, y'a un karma. La tige, je vais arrêter pour maman. Le rap, le bis, je vais arrêter comme Zidane. C'est ta bêtise, on va éviter les dramas. Y'a de la traîtrise, mais bon, y'a un karma. La speed, les tiges, les petits sushis sur Neptune, la thune, les rancunes, les lacunes. Une vie, on en a qu'une. Comprends que j'ai pas ton temps, mon sang. Okay. Tu veux manger, mais tu es pas mon sauce. Okay. Tu changes quand ça va pas dans ton sens. Après, tu es à l'affût comme un mon sauce. Un 3 sur le maillot, c'est l'as pour les sicarios. Ça veut contrôler le barrio avec le machin en gario. Et je ferai pas la star si tu me demandes un selfie. Moi j'ai tellement bon cœur, je souhaite le bien même à l'ennemi. Je m'en pas calibré. J'étais gentil, ils m'ont dénigré. Donc aujourd'hui, je me lâche devant le micro. Le passé, c'est le passé, si. Je t'aimais bien, je t'utilise, si. Quand ça parle dans mon dos, je le vois dans le rétro de la moto. Tu t'es cassé, si. Rejoins de popo, amnésia. Ils me font des manières, ça me donne des idées. Me dis mon qu'est-ce qu'il y a, mon cœur est trop nia. Me poussez pas, j't'ai un canoncier. Rompopopompom, guérilla. J'fais que des dandons, mania. Fais chauffer ta gongon, il est bizarre. Entre nous, on se quand nous se veulent dire. C'est pour les incous, les foufous en fufu. C'est pour la fafa, les fofos, ils montent pas dans le féfé. On a fait la fufu, ils ont de l'espace. Quand on se monte pas, ils sont la fuite, ce qu'on fait. Kali, moto, Alim, poto, ami, Khalis, ennemi, adieu, Gary. J'avais la valise, taille à balise avec tous les potos. Kali, broto, Emilio Gaviria, hasta la vida, Rina, Toto. Hasta la muerte, je touche pas la coco. J'allume que le popo, tu connais le topo. Un 3 sur le maillot, c'est l'as pour les sicarios. Ça veut contrôler le barrio avec le machin en gario. Et je ferai pas la star si tu me demandes un selfie. Moi j'ai tellement bon cœur, je souhaite le bien même à l'ennemi. Ils me refont, j'innove, mais je reste original. On leur a donné du love, ils nous ont voulu du mal. C'est l'OVNI, capot décapi, faire briller la ville, comme Bernard Tapie. Un 3 sur le maillot, c'est l'as pour les sicarios. Ça veut contrôler le barrio, avec le machin en gario. Et je ferai pas la star, si tu me demandes un selfie. Moi j'ai tellement bon cœur, je souhaite le bien même à l'air.